Bonjour tout le monde. Comme à chaque Janguil, Radio Boncon vous propose sa chronique quiz. Aujourd'hui, grosse introspection en perspective car vous allez enfin répondre à la question qui vous taraude, à savoir, quelle tartine êtes-vous ? Avant de commencer, je vous conseille de vous munir d'un crayon et d'un bout de papier sur lequel vous pourrez faire 5 colonnes, une pour compter les ronds, une autre les carrés, les triangles, les croix et une dernière pour les parallélépipèdes. Voilà ! Comme ça, ce sera plus pratique pour compter vos points et moi, ça m'évitera de tout répéter à la fin. Je vous laisse avec une petite musique d'ambiance le temps que vous prépariez ça. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguille, la Jean, la Jean-Guille. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguille, la Jean, la Jean-Guille. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguille, la Jean, la Jean-Guille. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguille, la Jean, la Jean-Guille. C'est bon, vous êtes prêts? C'est parti. Question 1. Vous êtes un nain, enfin une personne de petite taille. En faisant vos courses, vous ne parvenez pas à attraper la crème fraîche allégée qui est trop haute. Que faites-vous ? Rond. Vous demandez à un autre client de l'attraper pour vous et vous lui payez un pack de bière pour le remercier. Triangle. Vous débrouillerez avec une recette de crème allégée maison trouvée sur le site fourchetteetbikini.fr. Carré. Vous demandez à quelqu'un de vous l'attraper. Vous tenez vraiment beaucoup à cette crème fraîche allégée. C'est, selon vous, ce qui donne du peps au plat. Croix. À quoi bon prendre de l'allégé ? Le gras, c'est la vie. Vous vous rabattez sur de la cancoyotte. Parallélépipède. Vous vous rendez compte que vous êtes au rayon déco de Castorama et que ce n'est pas de la crème fraîche que vous essayez d'attraper, mais de la colle. Qu'à cela ne tienne, vous en profitez pour acheter un joli papier peint. Donc, petit récap. Rond, vous sympathisez avec un autre client. Triangle, vous vous débrouillez en faisant une crème fraîche maison. Carré, vous demandez à quelqu'un de vous l'attraper. Croix, vous achetez de la cancoyotte à la place. Et parallélépipède, vous n'êtes pas dans le bon magasin. Voilà, maintenant on passe à la question 2. Vous êtes toujours un nain, enfin une personne de petite taille. Et le président du Brésil, M. Bolsonaro, vous prend pour un enfant. Il vous attrape et vous porte sur ses épaules. Puis, réalisant sa méprise, il vous repose brutalement et se barre. Quelle est votre réaction ? Rond. Vous vous tapez le plus gros fou rire de votre carrière car vous avez profité d'être sur ses épaules pour lâcher une grosse caisse. Carré. Vous vous excusez platement de ne pas être un enfant. Triangle. Vous vous faites justice en crevant les pneus de sa voiture. Parallélépipède. Vous vous dites qu'il a bien changé, Michel Drucker. Croix. Vous le houspillez tant et si bien qu'il démissionne, honteux. Petit récap. Rond. Vous lui pétez dessus. Carré. Vous vous excusez. Triangle. Vous vous vengez. Parallélépipède, vous le confondez avec Michel Drucker. Et croix, vous le faites démissionner en l'engueulant. Question 3. Vous n'êtes plus un nain, enfin une personne de petite taille, mais vous êtes dans un studio d'enregistrement et vous partagez un micro avec Benjamin Biolay. Et il pue vraiment de la gueule. Comment gérez-vous la situation ? Croix, grâce à votre incroyable charisme, vous parvenez à le convaincre de se brosser les dents avec votre super dentifrice et ses milliers de petites billes anti-pue de la gueule. Triangle. Entre deux chansons, vous lui parlez de votre super recette de dentifrice maison à base d'huile de coco et d'extrait de pépins de pamplemousse. Rond. Vous lui dites qu'il pue de la gueule et ajoutez « Prenez un chewing-gum, Émile !» en lui tapant dans le dos avec un grand rire. Parallélépipède. Vous tweetez MDR, il pue de la gueule, Nicolas Sirkis, hashtag mauvaise haleine. Carré. Vous l'aimez bien, vous, Benjamin Biolay. Vous trouvez qu'il a assez de talent pour que ça excuse ce petit défaut. Donc, petit récap. Croix, vous arrivez à le convaincre de se brosser les dents. Triangle, vous lui vantez les mérites de votre dentifrice fait maison. Rond, vous lui dites qu'il pue et vous faites une vieille blague. Parallélépipède, vous tweetez sur Nicolas Sirkis. Et carré. Vous aimez bien Benjamin Biolay. Question 4. Vous participez à Koh-Lanta. Parallépipède. Ah non, vous participez à l'île de la Tentation. On est là pour pécho, non ? Carré. Vous êtes éliminé dès le début car même la semoule au lait dégueu de la cantoche se révélerait plus utile que vous. Elle, au moins, on peut la manger. Croix. Vous êtes Denis Brognard. Triangle. Vous avez construit la cabane, allumé le feu et trouvé de quoi préparer un repas complet et équilibré. Quelqu'un est chaud pour un petit rami ? Rond. Vous vous êtes entraîné à faire des percus sur des souches toute l'année afin de mettre un peu d'ambiance sur le campement. Allez, limbo ! C'est reparti pour un récap. Parallélépipède, vous n'êtes pas dans la bonne émission. Carré, vous êtes éliminé dès le début. Croix, vous êtes Denis Brognard. Triangle, vous avez préparé tout le campement. Et rond, vous êtes là pour l'ambiance. Allez hop, question 5. Vous êtes la femme de Francis Cabrel et il vous a écrit une magnifique chanson d'amour pour la Saint-Valentin alors que vous lui avez juste acheté une boîte de Mon Chéri. Que faites-vous pour rattraper le coup ? Triangle, vous vous hâtez de lui fabriquer des tawashi avec vos vieux collants. Un cadeau utile, ça va lui plaire à Francis. C'est quelqu'un de simple. Rond, vous l'emmenez dans un restaurant à raclette où vous proposez à vos voisins de table de partager votre meule. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis tout le monde sait que Francis qui rit est à moitié dans ton lit. Carré, vous passez lui acheter une Wonderbox. Croix, vous ouvrez l'espace de vos bras pour tout reconstruire. Parallélépipède, vous l'emmenez voir une petite corrida de derrière les fagots. Quelque chose vous dit qu'il va adorer. Petit récap. Triangle, vous lui fabriquez des éponges avec vos collants. Rond, vous l'emmenez au resto. Carré, vous lui achetez une Wonderbox. Croix, vous ouvrez l'espace de vos bras pour tout reconstruire. Parallélépipède, vous l'emmenez voir une corrida. Question 6. Vous venez d'apprendre qu'aujourd'hui, c'est la Jean-Guille et que vous étiez le seul à ne pas connaître cette fête. Comment réagissez-vous ? Rond, une nouvelle excuse pour faire la fête, c'est une bonne nouvelle. Vous apprenez rapidement tous les us et coutumes de la journée et devenez rapidement le plus impliqué dans les festivités. Triangle, vous confectionnez un costume d'ampoule avec une nappe, du papier alu et des petits clous, tout rouillé. Et en avant la musique. Parallélépipède. Mais si, vous la connaissez cette fête ? C'est celle où on chante Marie Patate et la son cul plein de merde, non ? Carré, vous filez acheter des tourtelles pour participer à la fête. Ça va être fun ! Croix, vous décidez de faire une journée spéciale Jean-Guille sur Radio Boncon pour fêter l'événement en bonne et due forme. Allez hop, petit récap. Rond, vous faites la fête. Triangle, vous fabriquez un costume. Parallélépipède, vous confondez avec le carnaval de Dunkerque. Carré, vous achetez des tourtelles. Et Croix, vous faites une journée spéciale Jean-Guille sur Radio Boncon. Question 7. Erreur de la banque en votre faveur. Vous gagnez 200 euros. Qu'en faites-vous ? Carré, vous placez l'argent sur un compte épargne, c'est plus prudent. Parallélépipède, ça fait combien en francs ? Triangle, vous en faites un superbe marque-page. Rond, vous payez une tournée générale à tous vos potes. Croix, vous prenez immédiatement rendez-vous pour vous faire tatouer. Allez hop, un petit récap. Carré, vous placez l'argent. Parallélépipède, vous cherchez combien ça fait en francs. Triangle, vous faites un marque-page. Rond, vous payez une tournée. Et Croix, vous vous faites tatouer. Question 8. Vous avez demandé à votre boîte une mutation, parce que vous avez bien envie de changer d'air et de découvrir Mulhouse. Mais suite à un imbroglio administratif, votre entreprise vous offre une mutation génétique et vous voilà maintenant doté d'un pouvoir à la X-Men, mais un peu foireux faute de budget. Quel est-il ? Triangle. Vous pouvez faire apparaître de la nourriture à volonté, mais uniquement des trucs fades. Croix. Vous avez le pouvoir de provoquer un orgasme à n'importe qui juste en croisant ce regard. C'est marrant deux minutes, mais le dernier repas de famille s'est avéré très gênant. Depuis, vous ne quittez plus vos lunettes de soleil. Carré. Vous pouvez devenir invisible. Mais personne ne faisait attention à vous de toute façon, alors on ne remarque même pas la différence. Rond. Vous pissez de la bière des fois, mais pas tout le temps. Il faut goûter d'abord pour être sûr. Du coup, les gens sont moyen chauds. Parallélépipède. Vous pouvez vous téléporter, mais seulement à Mulhouse. Donc on récapitule. Triangle, vous pouvez faire apparaître de la nourriture fade à volonté. Croix, vous pouvez provoquer un orgasme à n'importe qui juste en croisant son regard. Carré, vous pouvez devenir invisible. Rond, vous pissez de la bière, mais pas tout le temps. Parallélépipède, vous pouvez vous téléporter. Attention, neuvième et dernière question. Vous regardez tranquillement la téloche quand tout à coup, votre monde s'écroule. Une annonce officielle a été faite. La bamboche, c'est terminé. Comment réagissez-vous ? Rond, vous êtes dehors, vous vous êtes enfui de table. Vous n'arrivez pas à gérer. Vous ne pouvez pas, vous êtes tout seul à pleurer parce que putain, c'est la bamboche qui est terminée et vous avez l'impression de crever. Carré, Vous continuez votre petite vie tranquillement puisque, de toute façon, vous n'étiez pas invité aux bamboches. Croix, vous faites une énorme bamboche de protestation parce que vous êtes grave en teuf. Parallélépipède. Putain, je me suis encore trompé de chaîne. C'est la combien déjà, Gulli ? Triangle. On n'arrête pas un peuple qui bamboche. Vous organisez illico presto la résistance en invitant vos amis à faire des apéros Skype. Dernier récap. Rond, vous êtes effondré. Carré, vous n'étiez pas invité aux bamboches. Croix, vous faites une énorme bamboche parce que vous êtes grave en teuf. Parallélépipède, vous vouliez juste regarder Gulli. Triangle, vous faites des apéros Skype. Voilà, vous avez terminé ce quiz. Je vous laisse compter vos points et je vous retrouve dans le direct d'après pour vous lire les réponses et vous laisser découvrir quelle tartine vous êtes. Ah, et si, malgré mes petits récaps à la fin de chaque question, vous n'avez pas eu le temps de choisir rond, carré, croix, parallélépipède ou triangle, normalement, il y a un onglet quiz sur le Discord où vous pourrez retrouver toutes les questions. Bisous et joyeuse Jean-Guille.